Merci d'être venu. Merci à Anthony de m'avoir encouragé et d'avoir suggéré que j'organise cette journée. Et merci à Madame Elfamzir d'être venue de l'École nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis. Et à Monsieur Jean-Paul Thibault et à Pascaline Théolière qui ont accepté d'intervenir pour cette demi-journée. Donc on va démarrer tout de suite. Et il y a juste Monsieur Patrick Romieux qui finalement ne pourra pas venir parce qu'il est malade. Donc il s'excuse et nous souhaite une bonne journée et un bon débat.